Nous retournons vers le berger et la boulangère. Ils dorment toujours. Tout à coup, l'homme se lève, il écoute, Aurélie s'accroche à lui. Il sort d'un bond, elle ouvre de grands yeux effrayés, elle écoute. Au dehors, le berger s'avance en se cachant. À travers les osiers, il voit au loin l'expédition qui se prépare. En effet, au bord du marais, de l'autre côté de l'eau, il y a Maillefert, le curé et l'instituteur. L'instituteur finit de boucler ses bottes. C'est là ! Vous êtes sûr que c'est là ? Je connais la cabane, je connais le passage. Allez, allons-y, monsieur le curé. Il se baisse. Le curé ferme son bréviaire, retrousse sa soutane, prend son élan et saute sur le dos de l'instituteur qui entre dans le marais. Il a de l'eau jusqu'aux genoux. Le curé relève ses pieds qui touchent presque la surface de l'eau. Ah non, ne me serre pas les côtes comme ça, mon vieux, et puis ne me foutez pas vos souliers sous le nez. Mais c'est que la position est fort incommode, cher ami. Ah, c'est ça, plaignez-vous, hein. Vous, vous ne portez aucun poids. Mais si, mon ami, je porte le poids de ma responsabilité. Et de plus, oh, vous avez dans le dos un os qui m'incommode fort. Excusez-moi, je le ferai enlever pour la prochaine fois. Je vous en serai bien reconnaissant. Avancez encore de quelques pas, puis nous essaierons quelque chose. Une prière ? Les prières sont faites, mon ami. Nous essaierons un appel. Quel métier, non ? D'une pipe, pipe, pipe. Ah oui, d'une pipe, c'est mieux. On est... Allez, cocotte, attention, mon Dieu, moi, je sens que j'enfonce. Vas-y, vas-y, mais ne me lâche pas, ne me lâche pas.